إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nous sommes donc toujours dans la série de cours, ou plutôt en français, oui. Et donc on commence aujourd'hui, inshallah, un nouveau livre. Donc on a fini le livre d'explication des conditions de la prière de Cheikh عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. Donc الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. On a fini ce livre là et on commence donc toujours dans la série de cours dans le fiqh, c'est ce que je voulais dire au début, un nouveau livre, hein? Et ce livre, c'est l'explication d'un autre livre. Donc c'est l'explication de Cheikh Mohamed Ben Omar Bazmoul, hein, qui est un cheikh contemporain qui est vivant et qui vit à La Mecque et qui travaille à l'université Jamiat Umm al-Qura à La Mecque. Et donc ce cheikh, ce noble cheikh, on va le voir inchallah en détail dans le cours d'aujourd'hui, il a expliqué un livre très connu, c'est le livre de la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam, écrit par Cheikh Mohamed Nasser Din al-Albani. D'accord ? Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est on va discuter au niveau du livre en lui-même, au niveau des éditions, etc. D'accord ? Donc, les cours auront pour titre explication de la description de la prière de Cheikh l'Albani, rahimahullah, par Cheikh Mohamed Ben Omar Bazmoul, hafidahullah ta'ala. Donc, le livre de Cheikh l'Albani, hein, qu'Allah lui fasse miséricorde, a pour titre complet la description de la prière du prophète, alayhi salatu wassalam, du takbir au teslim, comme si tu la voyais. Hein. Et je vous, pour les frères qui sont peut-être devant, ils voient que j'ai amené en fait toutes les éditions de Sifat Saleh. On va parler en long, en large, Inch'Allah, aujourd'hui au niveau des éditions. Et comme vous le voyez ici, ça c'est l'édition qui est en trois tomes dont je vais parler après. Vous voyez le titre complet ici, c'est Sifat Salat al-Nabi alayhi salatu wassalam, min al-takbir ila al-taslim ka'annaka taraha. Et ensuite il y a le hadith, sallu kama ra'aytumuni usalli rawahu al-Bukhari. C'est-à-dire, hein, le titre complet, la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam, du takbir au taslim, comme si tu la voyais. Donc ça, c'est le livre de Cheikh l'Albani. Cheikh Bazmoul, hafidhahullah, il a donc expliqué ce livre et a donné pour titre à cette explication. Vous avez le livre ici, je vous les passerai, vous les passez après, inshallah. Il l'a appelé « Sharhu kitabi sifati salat al-Nabi alayhi sallatu wassalam min al-takbiri ila al-taslim ka'annaka taraha lil'allama al-muhaddith al-faqih al-imam Mohamed Nasser Din al-Albani ». Donc comment il a appelé son explication? L'explication du livre, la description de la prière du prophète, alayhi salatu wassalam, du takbir au teslim, comme si tu la voyais, de l'éminent savant, muhaddith, faqih, al-imam, Muhammad Nasser Din al-Albani, rahmakullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et le fasse habiter ses larges jardins. Il a dit, shir ici, rahmahullah, wa askanahu fasiha jannati. Alors, l'édition sur laquelle on va se baser, inshallah, hein? C'est important de parler au niveau des éditions, etc. Et je le sais parce que, hein, pour les frères qui me connaissent d'avant, j'avais une mektaba et au niveau des éditions, il faut faire très attention. L'édition sur laquelle on va se baser, inshallah, c'est l'édition de Dar al-Tawhid et Dar al-Istiqama. D'accord ? Dar que vous avez ici, je vous la montre. Hein? Vous voyez Dar al-Tawhid et Dar al-Istiqama. Dar al-Istiqama, d'ailleurs, avec qui Alhamdulillah, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'éditer plusieurs livres de Cheikh Bazmoul en arabe. Hein, on a édité 4 livres pour Cheikh Bazmoul et on avait édité un livre en français, hein, que la majorité d'entre vous ont, de Cheikh Bazmoul sur les prières surérogatoires. D'accord ? Donc c'est une édition salafia connue d'Al-Istiqama, dont je connais personnellement le propriétaire, qui est Mohamed Zahran. Hafidhahullah. Et donc, cette édition, elle a été faite en l'an 1430 de l'Hégire, donc celle que j'ai entre les mains ici, c'est-à-dire en 2009, hein, si vous voulez. C'est une édition en cuir, ce qu'on appelle Mujallada. Elle est en 317 pages. Papier jaune, comme disent les éditeurs, et en deux couleurs. Et c'est parmi les éditions les plus chères, en deux couleurs, donc noir et rouge. Vous pouvez vous la passer, vous, Inch'Allah, et jeter un coup d'œil. En ce qui concerne maintenant, donc j'ai parlé maintenant de l'explication, d'accord ? En ce qui concerne le livre de Cheikh Al-Albani lui-même, rahimahullah, il a été publié par Maktabat al-Ma'arif, hein, en arabe. Et c'est l'édition que j'ai ici. D'accord ? Vous pourrez vous la passer après aussi. Il y a eu jusqu'au jour d'aujourd'hui de nombreuses éditions. Donc c'est un livre qui a été édité, hein, plusieurs fois, de manière répétitive. Et on va voir que c'est une des choses pour laquelle ce livre se distingue par rapport aux autres. Hein. Aujourd'hui, dans le cours, Inch'Allah, on va voir que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, au fur et à mesure des éditions, ben, qu'est-ce qu'il faisait ? Il revoyait. Hein ? Il faisait les changements qu'il fallait faire, etc. D'accord ? Et donc, l'édition ici que j'ai personnellement, et donc sur laquelle je vais me baser, Inch'Allah, elle date de 1996, c'est-à-dire 1996, qui équivaut à 1417 de l'Hégire. C'est en cuir et elle fait 225 pages. Papier blanc, comme disent les éditeurs, une couleur. Donc vous pouvez vous la passer, Inch'Allah. C'est important d'un peu apprendre au niveau des livres et des éditions, etc. Parce que souvent on a la question des frères, Annie, quelle édition je devrais prendre pour tel livre, etc. Hein, est-ce que tu peux me montrer la bonne édition, etc. Donc c'est important soi-même déjà de prendre un peu de science au niveau des éditions, des différents livres, des éditions qui sont autorisées. Et malheureusement, il y en a qui sont non autorisées, hein, parce qu'ils n'ont pas les droits, etc. D'accord ? Ce livre-là que vous avez dans les mains, que vous êtes en train de vous passer maintenant, donc qui est en un tome, Maktabat al-Ma'arif, qui est donc en 225 pages, eh bien ce livre, il a été traduit. Et pour le public francophone, c'est un livre qui est très très connu. Hein, et il a été traduit en langue française par Yaqoub Abu Younes Lennon. C'est un frère que j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois à Paris et qui vit à Riyad. Et moi je pense, c'est d'ailleurs la seule, hein, d'après ce que je sais, c'est d'ailleurs la seule édition légiférée. Pourquoi ? Car c'est la traduction faite et publiée par la maison d'édition qui a les droits pour le livre en arabe. Et quand vous regardez ici, j'ai amené la traduction également en français, c'est cette édition-ci. Si vous regardez cette édition-là que vous avez en arabe dans les mains et celle-ci, eh bien, c'est le même nom, Maktabat al-Ma'arif. Hein ? Maktabat al-Ma'arif, Maktabat al-Ma'arif, d'accord ? Donc c'est la maison d'édition en arabe elle-même qui a publié le livre de Cheikh Al-Albani en arabe, qui a fait la traduction, qui a fait faire la traduction par Yaqoub Lennon, donc le frère dont je vous ai parlé. Hein? L'édition de la traduction sur laquelle je me base, hein, elle est de 1424 de l'année hégirienne, parce que je suppose qu'elle a été éditée de manière de plusieurs fois, et ce qui équivaut à 2003. Et elle fait 206 pages, papier blanc, une couleur. Donc vous la passez également, Inch'Allah. Et une question que je rebondis directement là-dessus d'un frère ici. Est-ce que tu peux me passer l'édition que tu as ? Il y a un frère qui m'a posé directement une question sur une édition. Hein, qui édition ? Celle-là, je ne connais pas cette édition. Je pensais que c'était c'est celle-là qu'il y avait avant. Non, c'est Sunna, c'est l'autre. Hein, c'est celle-là même. C'est celui-là qui vendait en Belgique, etc. En France. Ok. Inch'Allah, je te passerai l'édition en français et vous pouvez faire l'exercice après, Inch'Allah, c'est très intéressant. Et comparer la traduction sur quelques pages, par exemple. Et vous allez voir que, Allah alam, d'après ce que je sais, hein, ce n'est pas ma spécialité, en tout cas au niveau des livres en français, vous allez voir que celle-ci, la traduction qui est faite par Yaqoub Lennon, est plus précise et plus fidèle au texte en arabe, d'accord, hein. Les annotations également, comme le dit le frère, et aussi la question des droits, évidemment, d'accord. Oui, et Daoud Zallah Khairin, il me rappelle une chose, c'est que, en fait, dans, je pense que c'est l'introduction du livre, de l'édition en français, il parle de cette édition-là et des autres éditions qui ne sont pas légiférées, d'accord. Donc, en résumé, si vous voulez acheter le livre en arabe, eh bien, c'est celui que vous avez, que le frère Mohamed, il a pour le moment dans les mains, d'accord, Maktabat al-Ma'arif, et ici, l'édition en français, c'est celle-ci. Pour les frères et les sœurs qui sont sur Paltol, qui nous voient pas, mais c'est une édition qui est tout en bleu, avec une photo de la mosquée. Je pense que c'est la mosquée de Médine, hein, la Masjid Nabawi, d'accord. Ici aux éditions librairie Al-Ma'arif, Maktabat Al-Ma'arif, d'accord. Donc le livre, La description de Sifat Salat Nabi, il a été édité dans sa version la plus complète avec pour titre Aslu Sifat Salat Nabi aux éditions Al Ma'arif également. Et c'est la dernière édition qui a été faite et la plus complète. Je vous la montre. Elle est ici en 3 tomes. D'accord ? Et cette édition sur laquelle que j'ai en tout cas moi ici, sur laquelle je me base, c'est la première édition de cette version-là. D'accord ? Elle a été faite en 1427 de l'Égypte, qui équivaut à 2006. En cuir, donc vous voyez que c'est 3 volumes en cuir ici, d'une belle qualité, en papier jaune, 2 couleurs également, hein, et elle est en 3 volumes, elle fait 1217 pages, d'accord, ce qui fait une moyenne de 400 pages par volume, d'accord, et en fait, Inch'Allah, on va le voir, et Cheikh va en parler de façon, Cheikh Bazmoul, Hafidhahullah, vous allez voir en fait que ça, c'est en fait, si vous voulez, le travail de toute sa vie, au niveau de la salah, hein, et vous allez voir, et vous pouvez déjà le constater maintenant, j'en ai un autre ici qui est le tout petit résumé, qu'en fait, vous avez le grand qu'on appelle Al-Kabir, que Cheikh Bazmoul a appelé Al-Kabir dans son livre, et qui a aussi pour nom ici, qu'est-ce qu'on voit ici au-dessus ? Asl, hein ? C'est-à-dire la base. C'est le plus complet, c'est celui en 3 tomes, 1217 pages. D'accord ? Hein ? Vous regarderez sur le Roku, il y a presque 100 pages, ou plus de 100 pages, rien que sur le Roku. Hein ? Et là, il a vraiment détaillé sur les chaînes de transmission, dans le Masail, etc. D'accord ? Vous avez ensuite le résumé de celui-ci, qui est celui que, je ne sais pas où il est pour le moment, il est de ce côté-là, voilà. C'est celui qui est en 1 tome. Et vous avez le résumé du résumé qui est celui-ci, qui est appelé Talkhis. Donc, Cheikh Al-Bazmoul, dans son livre, il a appelé celui-ci Al-Kabir, hein, ou bien Al-Asl, comme il s'est marqué ici sur le livre même. Celui-là, il l'a appelé Al-Awsat, c'est-à-dire l'intermédiaire, et celui-là, il l'a appelé Al-Talkhis. Comme vous voyez, c'est marqué ici au-dessus, Talkhis, hein, c'est-à-dire résumé. D'accord ? Et vous allez voir que celui-ci, maintenant, vous voyez, il est très petit, et je vais en parler dans quelques instants, Inch'Allah, au niveau des pages, parce qu'il fait que 32 pages. Vous allez voir qu'il contient des choses que ne contiennent pas les 2 autres. Hein ? D'accord ? Donc c'est important de savoir ce genre de choses. Et donc j'ai dit, cette version est en fait la version la plus complète écrite par Cheikh Al-Albani. Elle représente le travail de toute une vie de recherche de ce grand muhaddith au sujet de la prière. L'édition, connue par tous en 1 volume, hein, et qui a été traduite en français, que vous avez donc dans les mains, et donc un résumé, un condensé de ces 3 volumes. Hein. Il y a un résumé du résumé, c'est celui que Nabil a pour le moment dans les mains, hein, et que vous le faites passer, Inch'Allah, et qui a été édité également, et qui a été écrit par Cheikh Al-Albani, c'est important. Tous les 3 étant écrits par Cheikh Al-Albani, c'est important de le garder en tête, et qui a pour titre « Talkhisu Sifati Salatin Nabi alayhi salatu wassalam ». D'accord ? Et la version sur laquelle je me base pour ce talkhis-là, c'est celle éditée par l'édition Al-Maktab al-Islami, en 32 pages. Papier blanc, 1 couleur. Hein ? Et l'édition ici, elle est datée au début, si tu ouvres la première page, elle est datée par Cheikh Al-Albani lui-même, à Damas, de Damas en Syrie, d'accord ? C'est la capitale de Dimashq, la capitale de la Syrie, le 26 du mois de Safar, 1392, 1392 de l'Égypte. D'accord ? Ce qui, je calcule bien, ça doit faire presque 38 ans, presque 39 ans. Hein ? D'accord ? Ce qui vaut plus ou moins à 1971-1971, d'accord ? Chose importante vis-à-vis de Al-Maktab al-Islami, c'est que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans son livre justement même de Sifat Salah, il raconte des problèmes qu'il a eu avec cette maison d'édition-là et qu'il a retiré les droits à cette maison d'édition-là pour les donner à Maktab al-Ma'arif, pour ses livres, d'accord ? Ça va ? Et Cheikh Bazmoul nous dit d'ailleurs dans son introduction de ce livre, page 8, qu'il a placé ce talkhis, le résumé de Cheikh Al-Albani, donc celui que tu as dans les mains, le tout petit en 32 pages, qu'il a placé ce talkhis, ce résumé de Cheikh Al-Albani, dans son explication, et entièrement. D'accord ? Pourquoi ? Il a dit « adrashtuhu » comme il a dit en arabe. Hein ? Car il y a dans ce petit résumé des bénéfices qu'il n'y a pas dans le livre Sifat Salah. Par exemple, pour ceux les frères qui ont déjà lu en français au moins, celui en 1 volume, est-ce qu'il parle de la différence entre un shart et un rukn et un wajib ? Bien là, dans le petit, oui. D'accord ? Ça va ? Pourquoi Cheikh Bazmoul, hein, Hafidhahullah, qu'Allah le préserve, et je rebondis sur une question qui a été posée avant, c'est qui Cheikh Bazmoul ? Parce qu'il y en a 2 des Cheikh Bazmoul. C'est lequel ici en l'occurrence ? Qui sait me dire qui est lequel des 2 frères ? C'est Mohamed, non, Mohamed, parce qu'il y a Mohamed Ben Omar Bazmoul, c'est l'auteur du livre qu'on va faire ensemble, hein, et qui écrit de très nombreux livres d'ailleurs, Zallah Khairan. Hein? Et il y a Ahmed Ben Omar Bazmoul, hein, qui est un cheikh connu également, qui est un cheikh salaf également, d'accord, hein, et qui est à la Mecque également, et qui s'est illustré dernièrement par une série de réfutations sur Ali Hassan al-Halabi. Jazallah khairan pour ce travail de réfutation sur Shir Ali Hassan. Et si je compte bien, il est arrivé à 15, c'est une série de 15 réfutations. Et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que dans un futur proche, elle soit publiée en un seul livre. Elles ont été publiées, en tout cas mises en ligne par le site Sahab, hein, qu'un site salafi connu. D'accord. Donc pour les frères qui veulent retourner à ces réfutations-là, ils peuvent retourner, inshallah, à sahab.net sur Al-Minbar Islami. Et vous faites une recherche, vous allez les trouver assez facilement, inshallah. D'accord. Sinon, je sais qu'il y a des frères qui les ont déjà compilés. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas Cheikh Ahmed Bezmoul. Donc toujours quand on va dire Cheikh Bezmoul a dit ici, on parle toujours de qui? De Cheikh Mohamed Ben Omar Bezmoul. D'accord. Et Cheikh Bezmoul, hafidhahullah, et le récompense pour ses efforts, nous explique dans son introduction page 7 qu'il donnait à la base cette explication du livre. Donc le livre qui est aussi, parce que je vais en avoir besoin dans un instant. Hein? Ce livre-là, en fait, c'est quoi à la base? C'est une série de cours qui a été donnée à des frères de France. Hein? Par téléphone. D'accord? Et c'est ce que dit le Cheikh ici. Il dit, hein, qu'il donnait à la base cette explication du livre de Cheikh l'Albani à des étudiants en sciences islamiques dans une mosquée en France, et ce, par téléphone. Donc en fait, la base de ce livre-là, c'est qu'il y a des frères de France qui ont appelé Cheikh Bezmoul et qui lui ont demandé, hein, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais qui ont demandé, hein, de faire le livre de Cheikh l'Albani avec Cheikh Bezmoul. Cheikh Bezmoul l'a fait par téléphone et s'est enregistré en cassette. Et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Et Cheikh, il dit qu'il n'a retrouvé que 20 de ses cours. Hein, et ce sont ceux qui ont été enregistrés dans des cassettes par les frères de France. Hein? Un frère, Jazallah khairan al récompense, un de ces frères-là d'ailleurs, a pris le temps de recopier tout le contenu des cassettes, hein, ce qu'on appelle tafrir, et d'envoyer le tout au Cheikh, qui lui-même a revu le tout et a corrigé ce qu'il avait à corriger et a complété, hein, ce qui manquait des cours qu'il avait donné. C'est le Cheikh lui-même qui dit ça dans son traduction, d'accord. Et tout ce travail a ensuite été publié, et c'est le livre donc que j'ai entre les mains maintenant, que vous voyez devant vous ici, et c'est le livre que nous avons maintenant entre nos mains, d'accord. Cheikh Bezmoul s'est ensuite attaché à écrire en guise d'introduction du livre, et là on rentre maintenant dans le livre, un chapitre ayant pour titre prise de connaissance, hein, avec l'auteur du livre, le livre et son sujet. D'accord. Après avoir fait une brève biographie en quelques lignes de Cheikh l'Albani qu'on va faire ensemble aujourd'hui, inshallah, il a consacré de nombreuses pages à le défendre, hein, à défendre Cheikh l'Albani contre les différentes accusations qui ont été faites sur ce grand imam, ce muhaddith, hein, parmi les imams de notre communauté. Il a réfuté les ambiguïtés concernant le Cheikh et qui sont les suivantes. Hein. Ici, je pense que j'ai numéroté jusqu'à 10. Que Cheikh l'Albani était un murji, wali'adhu billah. Hein? Et je rappelle que l'irja, c'est quoi l'irja? C'est ta'khir al-a'mali an musamma al-iman. C'est-à-dire quoi? C'est le fait de sortir les actions de la foi. Et je rappelle que c'est une bid'a. Hein? Et que le murji'a, ce ne sont pas des gens d'Ahl Sunnah al-Jama'a. Hein? C'est une des sectes parmi les sectes de l'islam, mais ils ne font pas partie d'Ahl Sunnah al-Jama'a. Donc vous voyez quelle grave accusation envers ce noble Cheikh parmi, hein, les shuyukh et les savants et les imams d'Ahl Sunnah al-Jama'a. Deuxième accusation, c'est qu'il était un muhaddith et seulement et pas un faqih. Hein, c'est une accusation qui est très connue parmi les tullab al-ilm, hein, et qu'alhamdoulilah les tullab al-ilm en général connaissent la réfutation, comme pour être un muhaddith et pas un faqih. Hein? Qu'il n'a pas de science dans les fondements, al-usul. Hein? Tout frère qui connaît Cheikh l'Albani devrait déjà avoir soit le sourire aux lèvres, soit... Hein? Quatrième accusation, qu'il n'avait pas de shuyukh, professeur. Hmm? Cinquième accusation, qu'il était isolé dans ses avis, hein, et opposé à ce sur quoi étaient les gens. Ce qu'on appelle des aqwal shadda. Hein, qu'il était toujours à part et toujours isolé par rapport aux autres savants. Six, qu'il ne respectait pas les savants et ne connaissait pas leur degré. Sept, qu'il était un zahiri dans le madhab. Hein, et que son madhab était le madhab zahiri. Hein, Cheikh Bezmoul l'a expliqué dans son livre, d'ailleurs, avant de réfuter cette ambiguïté-là, ce qu'était le madhab zahiri. Huitième, qu'il était laxiste dans l'authentification des ahadiths, qu'on appelle al-tasahul fi tasih al-ahadith. Hein? Alors qu'il y a qui facilitait, qu'il était laxiste là-dedans. D'accord? Et neuvième accusation, qu'il était contradictoire dans ses jugements sur les ahadiths. Dixième accusation, qu'il ne donnait pas d'importance à la critique du texte, ce qu'on appelle le matn al-hadith. Hein? Et qu'un exercice difficile que les muhaddithines font, c'est qu'ils critiquent un hadith par rapport au matn, pour montrer que ce n'est pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit ça. D'accord? Ça va? Et ça s'appelle, on dit en arabe, naqdul matn. Alors Cheikh Bezmoul, hafidhahullah, dit à propos de ces accusations que ce sont en général les accusations qui sont portées sur les gens du hadith, ahl al-hadith. Hein? Et ça, c'est important de comprendre ça. De garder en tête que, en fait, les accusations qui ont été faites sur Sheikh Al-Albani, rahimahullah, bien, c'est les accusations que les généraux font sur, ou portent sur, ahl al-hadith. Et Sheikh Al-Albani, sans aucun doute, en faisait partie, comme il va le dire Sheikh plus loin, que ce soit dans son madhab ou dans son manhaj. Il faisait partie d'ahl al-hadith. Hmm? Alors maintenant, je parle ici à mon niveau personnel, c'est pas Cheikh Bazmoul qui parle, je me suis retrouvé devant un dilemme ici. Cette réfutation, je me suis retrouvé devant un dilemme, est-ce que je vais la faire avec vous ou est-ce que je ne vais pas la faire? Pourquoi? Parce que si je fais cette introduction-là, on est parti pour 94 pages, 94 pages. C'est-à-dire des mois de travail entre nous ici, alors que c'est un cours qui est consacré à l'fiqh. Hein? Et que je me suis dit, j'ai deux choix. Ou la faire, cette série de réfutations, hein, au risque d'être long et de ne commencer réellement le livre que dans quelques mois, en sachant que ces réfutations sont très techniques, hein, et que les frères qui me connaissent bien, ils connaissent l'amour particulier que je porte à ce shir, shir l'Albani, rahimahullah, hein, et que c'est en Jordanie, hein, que j'ai connu vraiment le manhaj salafi, hein, et que c'est en Jordanie que j'ai connu le manhaj salafi par les fruits que shir l'Albani a laissé de sa da'wah-là. Hein, et que justement, j'ai été souvent accusé des mêmes accusations de shir l'Albani dans ma vie pour cette défense de shir l'Albani. D'accord? Donc, c'est vraiment un travail qui me porte à cœur et que j'estime très important. Hein? Mais il y a un choix à faire. D'accord? Soit ne pas la faire et gagner ainsi du temps et pouvoir rentrer dans le sujet du cours directement en sachant que la défense d'un savant comme Cheikh Al-Albani est très importante. Alors, la décision que j'ai prise, hein, et j'espère que c'est la bonne, Inch'Allah, la décision est prise, c'est ne pas la faire. Hein? En tout cas, tout de suite. Pourquoi? Pour pouvoir commencer les cours sur la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam le plus vite possible et reporter cette défense de Cheikh Al-Albani à plus tard et en faire une série de cours indépendants de ce cours dans le fiqh. D'accord? C'est important. Et pour les frères qui ont un peu l'arabe ou qui veulent entraîner l'arabe, ils peuvent déjà la lire. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ils peuvent déjà essayer de comprendre tout seul, Inch'Allah, et je peux les aider. En tout cas, mais pour le moment, on va postposer ça, on va retarder ça, Inch'Allah. Et on va se consacrer directement à l'étude du fiqh, directement, en tout cas au niveau du livre de Cheikh Al-Albani. Vous voyez très bien que c'est un choix qui n'a pas été facile à prendre. Mais j'avais peur que le trou entre les deux cours, c'est-à-dire sur l'autre salah et sur la salah même, il soit trop grand. Or, justement, j'ai fait ce livre-là parce que j'estimais, et comme je vous l'ai dit après Salat Istikhara et après consultation de certains frères do'at ici dans la mosquée, hein, qu'il y avait une continuation. Hein? Parce qu'après les conditions de la prière, ben, qu'est-ce qu'il convient d'étudier? C'est la prière. D'accord? Donc pour pas qu'il y ait un trop grand, hein, ou trop long, on va commencer les livres directement, Inch'Allah. Et pour que j'oublie pas, Inch'Allah, ça m'étonnerait que j'oublie, hein, Allahu alam, hein, on consacre un jour ou l'autre une série de cours sur cette défense donc, de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. J'espère que Hassan ne m'en voudra pas parce que je lui ai demandé conseil là-dessus, il m'a dit de le faire. Hein? Allah alim, j'espère que j'ai pris la bonne décision en tout cas. Cheikh Bazmoul s'est ensuite attaché à nous faire connaître le livre et son sujet. En ce qui concerne le livre et ses trois différentes versions, nous en avons déjà parlé, je vous en ai déjà parlé largement, d'accord. En ce qui concerne son sujet, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la prière, salah. Hein? Nous n'en prendrons, Inch'Allah, que ce que nous voyons important dans le cadre de ce cours, en sachant qu'évidemment que le tout est bien évidemment important. Pourquoi? Parce que Cheikh Bazmoul, il est rentré dans de très nombreuses pages, il est rentré dans cette, l'explication, en fait, après nous avoir fait connu l'auteur, la biographie de l'auteur, il est rentré sur le livre en tant que tel, avec les éditions, etc. Et puis il a parlé de manière très large, il a rapporté beaucoup d'ahadith sur Sifat Salat Nabi alayhi salatu wassalam, d'accord, qu'il a d'ailleurs évidemment réexpliqué dans le cadre en détail dans le cadre du cours de l'explication de Sifat Salat. En ce qui concerne Minhaj al-Kitab, c'est-à-dire la méthodologie, hein, la voie suivie par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, hein, dans le livre, Cheikh Bazmoul dit, comme le sujet du livre n'est que la mise en évidence, hein, de la manière de prier du prophète, alayhi salatu wassalam, parce que c'est ça le sujet du cours, et c'est le sujet du livre, hein, il était évident de ne pas se limiter à un madhab, d'accord ? Pour la raison que nous avons déjà citée, mais qu'il n'a rapporté dans ce livre, c'est-à-dire qui, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, que ce qui était rapporté de manière authentique du prophète, alayhi salatu wassalam, comme cela est le madhab des muhaddithines anciens et contemporains. D'accord? Et je vous renvoie, et notez ça, Inch'Allah, je vous renvoie à ce sujet, à la traduction de Sifat Salah. Je ne sais pas où est-ce qu'elle tourne pour le moment. Hein, elle est chez toi, Soufiane ? Elle est chez toi ? Je vous renvoie dans cette édition-là, hein, aux éditions de Ma'arif, page 21 à page 57. D'accord ? Donc ça, c'est la traduction complète de l'introduction que Charles Benya fait lui-même, où il explique son ménage, sa méthodologie dans ce livre-là. Hein, et cette méthodologie, et les paroles des quatre imams, hein, des quatre madahib, qui vont dans son sens. C'est-à-dire quoi ? De suivre le dalil, de suivre le hadith, et de ne pas se limiter, hein, de se limiter, de se figer, c'est vraiment ça le bon mot, de se figer à madhab. D'accord ? Et en ce qui concerne la raison pour laquelle Shir al-Albani a écrit ce livre, parce qu'il l'a écrit pour une raison, hein, je vous renvoie, comme ça, Inch'Allah, on gagne du temps, je vous renvoie à la même référence au même livre en français, de la page 11 à la page 20, hein, de la même édition que le frère a pour l'instant chez lui, d'accord ? Ça va, c'est clair pour ça ? Hein, donc page 21 à 57 et page 11 à 20, ou si vous voulez pour les deux sujets, page 11, 20, de 11 à page 57. Alors maintenant, on s'attache à quoi ? À la biographie de l'auteur. Hein ? L'auteur du livre, la description de la prière du prophète, du Tekbir au Teslim, je vais vous demander de noter quelques points parce qu'elle est très courte, hein, un minimum c'est de la noter, Inch'Allah, de Charles Albani. Donc l'auteur du livre, et quel livre ? C'est la description de la prière du prophète du Tekbir au Teslim, comme si tu la voyais, est le Cheikh, l'Allama, le très savant, le Muhaddith, l'Imam, Abu Abdurrahman, Muhammad Nasir al-Din al-Albani. Ou plutôt, hein, Abu Abdurrahman, Muhammad Nasir al-Din, Ibn al-Hajj, Nuh, Ibn Najat, donc le fils du Hajj Nuh, hein, Ibn Najat, Ibn Adam, Al-Ashqudri al-Albani, al-Arnawuti. Hein? Et, l'Albanie, c'est un pays montagneux dans le sud-est de l'Europe. Hein? D'accord ? C'est Shir qui dit ça. Je cite là littéralement Shir Bezmoun, enfin je traduis en tout cas sa parole. L'Albanie fait partie des pays européens les moins développés. Hein? Et la plupart des Albanais vivent de l'agriculture et ils parlent la langue albanaise. Ensuite, il parle de la naissance du Shir et il dit. Le Cheikh est né à Shkodra, hein, Shkodra en albanais, et c'est une ville en Albanie à côté du lac de Shkodr. Hein, d'accord ? Il est né dans le premier tiers du XIIIe siècle égyrien. Hein, et quand on dit XIIIe siècle en arabe, attention, ce n'est pas comme en français, ce n'est pas dans les années 1200 et au-dessus, 1201 et au-dessus, c'est ici on parle entre 1300 et 1333, d'accord ? Dans le premier tiers de ce siècle-là, et en fait, le Shir dit qu'il est né en l'an 1332 de l'Égir. Ça fait presque 100 ans. Hein? Pardon, 1332, non. Il a ensuite émigré vers le Cham, la région connue du Cham. Il y a des hadiths sur le Cham. Hein? Le prophète Sassam, il avait fait dua sur le Cham et sur le Yémen. Hein? Il a demandé la bénédiction pour ces deux régions-là. Al-Mabarikfi, Chamina, Fi Yamanina, Okoma, Akal, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas le Cheikh. Il dit, il a donc ensuite émigré vers le Chem avec son père. Hein, et il s'y est installé. Les deux se sont installés avec toute la famille. Et pour les frères qui connaissent un peu la vie de Charles Albani, ils ont fui de quoi ? Du communisme, naam. Hein, et des exactions des communistes à l'époque envers les musulmans, hein, et les gens de religion et surtout les imams. Et le père de Charles Albani était un imam d'ailleurs. Hein, et un Cheikh. Connu parmi les chouurs de la Hanafiya. Et donc, il y a vécu au Cham, hein, et il est donc albanais d'origine, hein, d'accord, et il est Chami, ce qu'on appelle Chami, hein, par le fait qu'il a grandi au Cham et il y a vécu. D'accord. Et Rahimahullah, il a vécu, et il est décédé à Amman, en tout cas, il est décédé à Amman en 1420 de l'Égir. Et Amman, c'est la capitale de la Jordanie, naam. Hmm? Qu'Allah lui fasse miséricorde et le fasse habiter ses larges jardins. Allah lui a fait aimer la science du hadith après avoir lu des articles écrits par Mohamed Rachid Rida. D'accord ? C'est une personne qui a écrit des articles dans le magazine Al-Manar sur le hadith. Le Cheikh, en lisant ces articles-là, eh bien, il a aimé la science du hadith. Il a pris goût pour le hadith. D'accord ? Il s'est donc mis à étudier le hadith et ses sciences. Il a suivi la méthodologie des gens du hadith, qu'on appelle Ahl al-Hadith. D'accord? Qui était d'ailleurs le nom de ma librairie, subhanallah. Jusqu'à ce qu'il se mélange à l'élite des gens du hadith, à al-hadith. À tel point qu'il ne soit connu que pour le hadith. Et vous entendez souvent, subhanallah, même les frères quand ils font la khutbah ici, dès qu'ils citent un hadith, qu'est-ce qu'on entend quasi ici systématiquement après? Sahahu Sheikh al-Albani rahmahullah. Hein? Hassanahu Sheikh al-Albani rahmahullah. Authentifié par Sheikh al-Albani. Rendu Hassan par Sheikh al-Albani. Hein? Rendu faible par Sheikh al-Albani rahmahullah. D'accord? Même les savants, même chez les savants. D'accord? Sheikh al-Abbad, quand on, qui est un mot hadith lui-même, une montagne dans le hadith. Hein? Quand on a fait le livre de Shurut Salah, il ne citait pas Sheikh al-Albani. Hein? D'accord? À tel point qu'il ne se connut que pour le hadith et sa méthodologie et ses gens. Hein? Dans son madhhab et dans son manhaj. C'est-à-dire que même dans le fiqh, son madhhab dans le fiqh, dans la jurisprudence, il suivait la méthodologie d'Ahl al-Hadith. Hein? Il tournait avec le hadith là où il tournait. Il tournait avec le dalil là où il tournait, comme on va le dire chez Bazmoul plus loin. Hein? Et dans son manhaj, parce qu'il faisait partie du manhaj d'Ahl al-Hadith. Et je vous rappelle que l'imam a parlé lui-même Ahmed, qu'on lui a demandé c'est qui. Hein? Le groupe sauvé, le groupe victorieux, il a dit, il a dit, si ce n'est pas les gens du hadith, je ne sais pas qui ils sont. D'accord? Il est l'homme du hadith et son imam sur la voie des plus prédécesseurs. Rahimahullah. Il s'est distingué dans son fiqh par son suivi des athars. Il suivait les athars dans son fiqh. Hein? Mais en plus, il l'a dit lui-même, hein? Il l'a dit de manière explicite lui-même, qu'il ne donne pas un avis sur une affaire précise sans qu'il n'ait un salaf dans cet avis. En réfléchissant deux secondes, là il y a une réfutation à une des 10 accusations. On ne va pas chercher loin. Regardez comme les gens, soit ils sont ignorants, ils répètent ce que les gens disent, soit ils ont un malaise dans le cœur, ils n'aiment pas Cheikh al-Albani parce qu'ils n'aiment pas son ménage. Hein? Il y a une réfutation ici, dans ce que je répète en français pour vous aider, il y a une réfutation contre l'une des 10 accusations faites contre Cheikh al-Albani. Donc dans la parole de Cheikh al-Albani déjà, il y a une réfutation contre les 10 accusations lancées, en tout cas 10 qu'a cité Cheikh Bazmoul, sur l'une des 10 accusations lancées contre Cheikh al-Albani. Alors je répète en français, il a dit, mais en plus il a dit de manière explicite qu'il ne donne pas un avis sur une affaire précise sans qu'il n'ait un salaf dans cet avis. C'est-à-dire qu'il ne donne un avis sur une affaire que s'il a quelqu'un qui l'a précédé dans cet avis. Alors, ou même deux, moi je dirais même deux accusations. Barakallahu fik. Voilà, regardez. Il l'accuse, c'est très juste ce que tu dis, il l'accuse de quoi? D'avoir des avis toujours isolés par rapport aux autres. Or, Cheikh al-Albani lui-même dit qu'il s'est mis comme méthodologie lui-même de donner un avis sur une mes'ala, un point précis, une affaire précise, que s'il a un salaf qui le précède. C'est-à-dire qu'il a quelqu'un derrière lui. Man salafahu, c'est-à-dire quelqu'un qui l'a précédé dans cette avis-là. Hein? On voit donc le boutlan, hein? La nullité de cette accusation-là. Et le nom fondé de cette accusation-là. D'accord? Il y en a même une deuxième qu'on pourrait tirer directement. C'est son respect des savants. Comment il peut prendre l'avis de quelqu'un et pas le respecter? Hein? D'accord? Donc vous voyez que c'est des accusations qui sont non fondées. Hein? Et vous voyez que ma motivation elle est là pour qu'Allah qu'on puisse pas le faire tout de suite. C'est-à-dire qu'il donne un avis, comme j'ai dit, sur une affaire que s'il a quelqu'un qui l'a précédé dans cet avis. C'est-à-dire là, il y a qu'un bi qawl, il a, idha kana lahu salafi hadhihi al-mas'ala. Cet homme, le cheikh, cet homme, je cite ici Cheikh Bazmoul, que ce soit bien clair, cet homme est le cheikh du hadith de cette époque. Il a le surnom de Muhadith al-Sham, le Muhadith du Sham. Si on avait dit, regardez la parole de Cheikh Bazmoul, le Muhadith du monde, hein, Muhadith al-Dunya, s'il aurait été juste le concernant, il aurait été en droit d'être appelé de cette manière. Hein? Et je vous rappelle le Hadith qu'à chaque époque, hein, il y a un Mujaddid. Hein, et Mujaddid, ça ne veut pas dire quelqu'un qui va ramener une nouvelle religion, non. C'est quelqu'un qui va revivifier la religion de l'islam. Hein? Et que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit qu'on lui a dit qui était le Mujaddid de cette époque-ci? Il a dit quoi? Il a dit Cheikh al-Albani, rahimahullah. Et qu'on a demandé Cheikh al-Albani, il a dit quoi? Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Hein? D'accord. Avant de parler du sujet du livre, la prière, je voudrais rapporter les raisons pour lesquelles ce livre se distingue des autres et que Cheikh Bezmoul a cité dans son livre ici, donc page 96 à 97. Pour gagner du temps, je les lis directement en français, d'accord ? Donc page 96, 97, 96, 97, il dit, il se distingue par 1, et il y a 10 points, 1, car c'est, et c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi ce livre, et pourquoi tellement de mashayikh, hein, et on va le voir après, lisent ce livre et se passent ce livre entre eux, hein, ils sont admiratifs envers ce livre. Et je vous rappelle la parole de Cheikh Ibn Baz qui a dit que istafadtu min hadha al-kitab. Cheikh Ibn Baz dit, Cheikh Ibn Baz, vous savez qui est Cheikh Ibn Baz quand même, muhaddith, l'imam, l'allama, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, al-mufti, hein, il a dit, j'ai appris dans ce livre, istafadtu, j'ai tiré des bénéfices. Évidemment, un cheikh ne lit pas Sifat Salah comme nous on le lit, ça c'est clair, hein. Donc vous voyez la baraka subhanallah de ce livre. Donc première chose par laquelle il se distingue, car c'est une sorte de groupement de différentes formulations, ce qu'on appelle alfad al-ahadith, formulation des ahadith concernant la prière, hein. Et comme vous voyez, il y a des titres de chapitres et directement il y a l'adilla pour les frères qui l'ont déjà lu, d'accord. Les formulations des ahadith sont sa formulation du shir, hein. Vous le voyez, on peut même ouvrir un des livres ici. Vous voyez directement, vous avez, hein, vous avez directement un chapitre ici. Al-Adkar bayna sajdatayn, j'en prends un comme ça. Wa kana alayhi salatu wassalam yaqulu fi hadhihi al-jalsa, et puis il rapporte le hadith. Allahumma wa fi lafd, Rabb, ghfir li wa rahmni wa jburni wa rafa'ni, hein, wa hdini wa afini wa rzuqni. Évidemment, il fait la différence entre les différentes formulations par quoi ? Par des parenthèses et numérotations, comme on va le voir. Et Cheikh Al-Albani, il faut savoir, c'est le premier qui a fait ça. D'accord ? On va voir ça, Inch'Allah. Hein, vous voyez directement. Et donc, qu'est-ce que ça implique ? Ça, c'est la force, le quwwa, dans ce qu'on appelle l'ird, l'ard. Comment le shir, hein, la force dans la présentation des masa'il. Fi ard al-masa'il. Hein ? Et il y a dans ce style le fait que c'est plus sûr. Hein ? D'accord ? Et que l'auteur se dégage de cette manière de la responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'il se limite à quoi ? Hein, à formulation des hadiths, non, hein, il y a la mas'ala, il y a le fiqh dans le tarjama, hein, dans le titre, d'accord, et puis ensuite il y a l'adilla shar'iyya. Et ça, vous rappelez un livre très connu, ça, j'en ai déjà parlé, hein, le Bukhari, hein, le Bukhari, vous avez le fiqh dans le tarjama, hein, et puis vous avez l'adilla, d'accord. Et les ulama disent fiqh le Bukhari fi tarajumihi. Hein, le fiqh de l'imam Bukhari, rahimahullah, il est dans ses titres. Hein? Réfutation sur une accusation, muhaddith faqih. Hein? D'accord? Que le Bukhari, rahimahullah, c'est un grand faqih. On le voit quand? Comment? Pour les gens qui savent voir ces choses-là, c'est-à-dire les enracinés dans la science, mais c'est dans ses titres. Hein? D'accord? Comme il y a un des titres dans Sahih al-Bukhari, chapitre de celui qui dit que les actions font partie de la foi. Et puis rapporte le hadith sur le dalil que les actions font partie de la foi. D'accord ? Donc là, on a déjà, vous voyez, rien qu'en réfléchissant un petit peu, hein, et en connaissant un peu Charles Leben, en connaissant ses livres, on trouve facilement des réfutations contre celles des accusations. Regardez, hein, comme je reprends celui que je viens de lire, l'adkar ou ben as-sejdatayn. C'est une al-fiqhiyya ou pas ? Il parle d'adkar entre les deux sejdats, il rapporte directement l'adilla. Vous voyez, c'est clair, c'est wadih. Hein ? D'accord ? Deuxième chose par laquelle se distingue le cheikh, ou en tout cas le livre ici, il y a regroupé les différentes versions pour un seul hadith et les différentes formulations de ce hadith, hein, qui donnent ce qu'on appelle plus d'informations, hein, d'accord. Et les a, comme le cheikh dit ici en arabe, hein, on va traduire de manière littérale, il les a moulés en un seul, hein, d'accord. C'est-à-dire que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il rapporte les différentes versions d'un hadith, mais en les déroulant, en le citant comme un seul hadith. Dans son livre, mais en attirant l'attention, et c'est la précision du muhaddith justement, à l'aide de petits numéros ou d'encadrés, d'accord, de petites parenthèses, d'accord, avec des numéros, à côté de chaque formulation qui renvoie en bas de page à la source de chaque formulation du hadith. Je reprends encore l'exemple que je prie ici, vraiment comme ça, je ne l'avais pas préparé. Hein, ici, l'adkar ben as-sajdatayn, d'accord. On voit ici que, vous voyez bien clairement ici, pour les frères qui sont ici, je vais vous montrer. Vous voyez bien que le shir rapporte un dhikr. D'accord ? Regardez, hein ? Aidez-moi à lire parce que moi je suis à l'envers ici. Il dit Allahumma وفي لفظ رب. Hein? C'est-à-dire qu'il t'a rapporté deux différentes formulations déjà ici. Allahumma, et dans une autre formulation, dans une autre version du hadith, Rabb, Rabbi. Hein? D'accord? Donc vous voyez qu'il facilite. Et ça, c'est qu'un grand muhadith et un grand savant qui peut faire ça. C'est-à-dire que dans tous les livres de hadith, il a pris sur ce sujet-là les différentes formulations et les a placées pour toi en une formulation. Mais en attirant l'attention sur le fait que hein, ça peut être différentes formulations et de différents livres. Hein? Regardez comment. Et ça vous rappelle pour les frères qui connaissent bien Cheikh Al-Albani, que c'est le travail toute sa vie et qui a un titre. Qui sait me le dire? En français ou en arabe? Et il en a parlé dans de nombreux de ses livres. C'est quoi le titre? Le travail de toute sa vie, c'était quoi? Même en français. Taqrib sunnati bayna yaday al-ummah. C'est le fait qu'il a toute sa vie, il a consacré sa vie à faciliter la sunna à la communauté. Hein? Parce que, c'est pour les frères qui vont venir, j'espère, Inch'Allah, que vous allez le faire, à la traduction du livre, hein, concernant la raison pour laquelle il a écrit le livre, une des raisons qu'il a citées, c'est que les hadiths sur la prière et tous les points de la prière, ils sont dispersés dans beaucoup de livres. Donc c'est difficile pour nous, on n'a pas la quwa pour ça, l'ilmiya pour ça. Donc Cheikh Al-Albani, Zallahu Khairan, il a dit, donc c'est quelqu'un, difficile pour quelqu'un de savoir comment le prophète a prié exactement. Et donc Cheikh, il a fait ce travail pour nous, Zallahu Khairan. Hein? Donc nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Juste à lire un volume. Et tu as tout ce qu'il te faut pour ta prière. Et en plus, tu sais les différences hein, entre les différentes formulations, parce que Cheikh a attiré ton attention. Et vous voyez souvent que ce qu'on appelle ici en bas, l'hamish, hein, il est même plus grand que le matn. Hein? Vous voyez ici, il y a plusieurs pages, il n'y a même pas de matn. Pourquoi? Parce qu'il continue dans l'hamish, dans le bas de page, hein, dans les annotations de bas de page. Il rapporte les différentes chaînes de transmission, il discute des chaînes de transmission, il discute des rapporteurs, il discute des paroles des mashirs dans différents livres vis-à-vis de ces narrations-là, de ces rapports-là, etc. D'accord? Ça, c'est qu'un grand muhadith qui peut faire ça, c'est qu'un grand savant qui peut faire ça. Et il faut reconnaître le fadl de Cheikh Al-Albani sur nous par rapport à ça. Hein? N'oublie pas de faire des doigts pour lui. Hein? Donc, ça c'était la deuxième raison pour laquelle ce livre se distingue par des autres livres. Hein? Je sais que c'est un peu technique aujourd'hui au niveau de l'introduction, mais c'est important, Inch'Allah, pour Inch'Allah bien commencer à l'étude de ce livre. Troisième point par lequel il se distingue, il a regroupé les invocations liées. Et regardez, subhanallah, regardez Allah Azul, comment il facilite les choses. Yani, je ne vais pas jurer par là, mais je n'avais pas prévu cet exemple-là que je vous avais dit. Je l'ai pris comme ça, je l'ai ouvert. Et regardez en plus, c'est quoi? C'est même pas le premier volume, c'est le troisième volume. Et regardez qu'est-ce que j'ai ici. Il a regroupé les invocations liées à chaque endroit. Et c'est quoi l'exemple que je vous ai montré? Ces invocations. Hein? Il a regroupé les invocations liées à chaque moment de la prière en un seul endroit. Regardez, subhanallah, encore je reviens à l'exemple que j'ai montré. Hein? Alhamdulillah, on est tombé, c'est Al-Adhkar. Je ris parce que subhanallah, c'est ajib. Al-Adhkaru ben as-sajdatayn. Parce qu'en plus, subhanallah, à la maison, je me demandais comment vous expliquer ça. Regardez Allah Azza, comment il facilite les choses. Il a regroupé les invocations liées à chaque moment de la prière. De quel moment on a parlé ici? Entre les deux prosternations, entre les deux sejdas. Hein? Et il a rapporté les différentes hein, formulations. D'accord? Hein? Il les a classées de manière à ce que cela soit facile à tous. D'accord? Quatrième raison. Qu'il s'est mis comme condition à lui-même de ne rapporter que ce qui est authentique. Et ça, c'est un char très connu chez Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Pour les frères qui ont les cassettes de l'explication de Sah Targhib wa Tarhib, vous voyez que des fois, ou plutôt de Targhib wa Tarhib, vous voyez que des fois, il n'explique pas le hadith, le Cheikh. Cheikh Al-Hadith, il n'explique pas, il passe au hadith suivant. Et il dit pourquoi. Il dit, laisse à la chartina. Il dit, ce hadith, il ne respecte pas nos conditions. Parce qu'au début du livre, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il s'est donné comme condition d'expliquer que les hadiths sahihs. Hadith sahih, ça comprend aussi le hassan évidemment, etc. D'accord? Pourquoi? Parce que les hadithines ils disent, hein, sharh le hadith far'un an tasihihi. C'est-à-dire que le fait d'expliquer un hadith, ça découle de l'authenticité d'abord du hadith ou pas. On discute d'abord l'authenticité. S'il est authentique, on l'explique. Sinon, on l'explique pas. Il est faible, il est daif. D'accord? Donc, Cheikh, il dit qu'il s'est mis comme condition à lui-même de ne rapporter que ce qui est authentique comme hadith et narration. en fonction de son ijtihad, parce qu'il est lui-même capable. Nous, on suit Cheikh Al-Albani là-dedans parce que c'est un savant. On n'est certainement pas capable de faire ce travail-là, hein, de tasheeh et de ta'if, parce que c'est un ijtihad. Et donc, en fonction de son ijtihad. Et Cheikh Bezmoul dit, il fait partie des gens qui ont le plus de science et sont les plus connaisseurs, hein, de cet art, de cette science à notre époque ici. Hein, c'est-à-dire quelle science, le fait de juger un hadith authentique ou faible, ce qu'on appelle tasheeh al-hadith wa tad'ifuha. Hein? Et c'est pas, je vous assure que ce n'est pas donné à n'importe qui. D'accord, hein? Et vous voyez, regardez, ça me vient en tête, regardez dans le fond de la mosquée, vous avez 20 volumes en rouge là-bas. Hein? Et ça, c'est silsilat al-hadith al-mawdu'a al-da'ifa ou al-mawdu'a. Hein? Silsila, qu'on pourrait traduire par chaîne, hein? Sur quoi? Sur l'ahadith, il a fait en 20 volumes, il est complet là. En 20 volumes, hein? Sur l'ahadith faible et inventé. Mais le titre, il n'est pas complet comme ça. Qui sait le compléter? On va voir les frères qui ont un peu l'habitude. Le livre, il est regardez sur le volume après, Inch'Allah, sur la première, sur la couverture, il est marqué « Wa atharuha siyya ala l'umma » et leur mauvaise influence sur la communauté. Et le bleu que vous avez là-bas, en 11 volumes, hein, c'est quoi? C'est la hadith as-sahiha. D'accord? C'est la chaîne des hadiths authentique. Et à la base, Cheikh, il avait écrit sur ce sujet-là dans un magazine. Et les gens ont beaucoup aimé, qui était publié, et ils lui ont demandé de publier ça. Et Cheikh, il a commencé à faire ce travail jusqu'à ce que ça arrivait à la fin à 11 volumes en bleu là-bas, qui c'est Silsilat Ahadith Sahiha, et en 20 volumes en rouge. Et pour les frères qui connaissent Cheikh Al-Albani, ils les appellent de deux manières ces livres-là. C'est quoi? Le mal et le remède. Hein? Le mal par rapport à Hadith Da'ifa est inventé, hein? Et le remède par rapport à Hadith Sahih, évidemment. D'accord? Ensuite, on a dit, cinquième point, cinquième manière par laquelle le livre se distingue des autres, que le cheikh lui-même, donc Cheikh Al-Albani, a revu ce livre de nombreuses fois, car il a été écrit anciennement et il a ensuite été publié de nombreuses fois. Il l'a donc revu de nombreuses fois. Hein? Et ça, directement, réfutation d'une accusation. Hein? Cheikh, subhanallah, vous voyez les gens du hadith. Cheikh Al-Albani dit toujours dans ses cassettes, il disait, l'ilmu, la yaqbalu l'jumoud. Hein? Il disait, l'ilm, il n'accepte pas la rigidité, le fait de rester figé. L'ilm, il change. Hein? Et ça, vous voyez la réfutation d'une des accusations, comme quoi ces paroles sont contradictoires dans les hadiths. Wallah, ils n'ont pas compris. Parce qu'ils voient, hein, le travail de Cheikh Al-Albani à travers le prisme de la haine de Cheikh Al-Albani. Mais s'ils étaient honnêtes et s'ils aimaient Cheikh Al-Albani, ils auraient compris qu'en fait, ça élève Cheikh Al-Albani. Pourquoi? Vous avez d'ailleurs un livre qui a été publié en deux volumes qui s'appelle Tarajouat. Cheikh Al-Albani, il est revenu sur beaucoup d'ahadiths. Qu'une fois, il disait par exemple qu'il est sahih et qu'après, il a rendu, en fait, par exemple, qu'il était da'if, en fait, il a rendu hassan après, par exemple. Ou bien qu'il était Hassan et qu'en fait après il l'a jugé Daif. C'est des exemples que je cite. Hein. Ils sont classés comme ça dans les chapitres. Et justement, c'est quelque chose qui élève Cheikh Al-Albani. Pourquoi? Parce qu'il disait, l'ilm n'accepte pas la rigidité. Je peux dire quelque chose et revenir demain. Si un hadith qu'il a jugé Daif et qu'il y a un autre hadith, une autre chaîne de transmission après qu'il découvre, hein, dans son grand travail de recherche dans le hadith, hein, et je vous rappelle que Cheikh Al-Albani il a eu accès à des livres dont que personne n'a eu accès avant lui. Hein, Al-Maktab al-Zahiriya à Dimashq en Syrie. Et quand tu es connu par son sebab à lui, et vous connaissez tous l'histoire, je suppose, hein, de la page perdue. Vous la connaissez cette histoire ou pas? Cette histoire, c'est quoi? C'est en fait que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il restait des heures et des heures sur une échelle, hein, à Al-Maktab al-Zahiriya. Hein. Et Cheikh, à l'époque, se promenait à vélo. Les gens se trouvaient agibles, d'ailleurs, qu'un barbu se promenait à vélo à l'époque. Hein, et se promenait à Dimashq. Un vélo, et il passait des heures et des heures et des heures sur le maktab, à tel point que même l'employé lui disait, Ani, je dois fermer. Cheikh Al-Albani lui disait, laisse-moi ici et ferme. Après, ils lui ont donné une clé, même un local, etc., pour qu'il puisse rester à faire son travail. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, si je me souviens bien, hein, il est tombé malade, Cheikh. Et le médecin lui a conseillé de ne pas lire, Ani, de ne pas lire trop, parce que c'était mauvais pour ses yeux. D'accord? Cheikh Al-Albani, c'est comme si tu l'as tué. Hein? Et Cheikh Al-Albani, il n'y avait pas de photocopieuse à l'époque, il avait demandé à ce qu'on appelle un scribe, hein, c'est-à-dire à quelqu'un de recopier un livre pour lui. D'accord? Et Cheikh, il s'occupait des choses à droite à gauche dans l'ilm, pour se reposer parce qu'il ne pouvait pas lire. Hein. Vous voyez déjà la différence entre nous et lui. Hein. Et la personne est revenue, il a dit que voilà, en fait, il avait remarqué que le texte n'allait pas, il manquait, c'est comme s'il manquait une page. Mais Cheikh lui a dit qu'il avait raison, en fait, que le texte ne continuait pas comme il devait continuer. Il y avait un trou dans le sens du texte. C'est-à-dire que littéralement qu'il manquait une page. Donc Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est rendu à la Maktaba de Dimashq, qui est, je pense, la deuxième, ou en tout cas la première plus grande au monde, hein, Maktaba al-Zahiriya à Dimashq, en Syrie, et il s'est rendu à la bibliothèque et il a commencé à chercher cette page-là. Dans une partie de la bibliothèque qui était consacrée aux livres qui étaient mal classés, où il y a des volumes qui manquaient, des pages manquantes, etc. D'accord? Et puis, il s'est rendu compte, en fait, que quand il cherchait, eh bien, il trouvait des choses qui étaient manquantes ailleurs. Tu vois? Et il s'est dit, subhanallah, si j'avais fait des cartes, hein, classé, etc., ben j'aurais pu reclasser ces choses-là. Et puis il s'est dit, ben je vais tout relire. Et donc, vous imaginez combien de milliers de pages il a dû lire pour faire ce travail-là. Et il a tout reclassé. Et il a classé par auteur. Et chaque livre, il a fait un glossaire. Et de quoi parle le livre? Matière, table, il a fait des tables de matière. Pour faire une table de matière d'un livre, il faut lire le livre. Hein? Après, ensuite, certains responsables de la Maktaba al-Dahiriya, ils sont tombés sur ce travail de Cheikh Al-Albani. Ils étaient choqués, ils étaient étonnés de ce grand travail-là. Ils ont même fait une réunion, ils ont dit on doit le publier, c'est une table de matière de tout ce qu'on a ici. D'accord? Et ça a été publié. Et des gens ont lu ça. Et ont vu ça. Et c'est ce qui fait que l'Arabie Saoudite, elle a demandé après, hein, d'avoir des copies de tous ces livres-là. Et si je me souviens bien, ils ont fait ça en microfilm et c'est disponible maintenant en Arabie Saoudite. Et Cheikh Al-Albani rigole et il dit c'est une baraka, hein, de quoi? Parce qu'en fait, il cherchait une page qu'il n'a déjà jamais trouvée, le Cheikh lui dit lui-même. Et que par ce travail-là, en fait, il y a des milliers de... il y a de nombreux ouvrages, en tout cas, qui ont été rendus, connus à la masse des gens par ce travail-là, et que les gens en Arabie Saoudite ont pu en profiter, les talab ont pu en profiter. D'accord? Et donc, Cheikh, rahimahullah, donc ça c'est une mise, une distinction du Cheikh, c'est que le Cheikh, il n'avait pas de problème à revenir sur un hadith. Lui, il tournait avec le haq là où il était le haq. Hein? Donc si Cheikh, par exemple, le livre a déjà été publié, hein, peut-être que ça nous arrivera, nous on dirait non, mais qu'est-ce que vont dire les gens, etc. Ou les adoubillah, hein, le livre il est publié, etc. Cheikh, il n'avait pas de problème de revoir le livre, de chaque fois rajouter des choses, etc., et corriger des choses, d'accord? Et c'est pour ça que jusqu'à la fin de sa vie, il y a des hadiths sur lesquels il avait émis un jugement et sur lesquels il est revenu. Et comme je vous ai dit, ça a été publié, hein, on appelle ça Tarajouat, l'imam al-Allama Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et ça a été édité au Maktabat al-Ma'arif, je me souviens bien aussi, en deux volumes. D'accord? Donc, Cheikh a revu donc ce livre de nombreuses fois. C'est donc une mise de ce livre-là. Sixième, que ce livre est une sorte de résumé du livre original qui vient d'être publié en trois tomes. Et Cheikh Bezmoul, il dit en bas de page, il fait une petite remarque importante, c'est que Cheikh, quand il a fait ce cours-là par téléphone avec les frères de France, eh bien les trois volumes, ils n'avaient pas encore été... édité. D'accord? Donc il a expliqué ce livre-là avant que ces trois volumes, que l'explication en fait complète et vraiment détaillée soit faite, d'accord, soit publiée en tout cas. Et Cheikh, il dit que toute personne qui détient ce résumé en connaît la précision. Hein, quand vous voyez le résumé en un tome ici, vous voyez la précision de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Septième raison, que le Cheikh a fait un résumé de ce résumé. C'est celui que je ne sais pas où il est pour le moment, le tout petit là que vous avez, Talkhis, ici, voilà, que vous avez devant vous ici, en 32 pages. Hein, et qu'il a appelé Talkhis ou Sifat et Salah, dans lequel il s'est attaché à mettre en évidence les jugements légiférés, l'ahkam shar'iyya. Hein? D'accord? Et quand vous voyez ici, quand j'ouvre ici le livre, vous voyez que. Il dit Cheikh, وصرحتو بجانب كل مسألة بحكمها من ركن أو واجب. ومسكت عن بيان حكمه فهو من السنن وبعضها قد يحتمل القول بالوجوب والجزم بهذا أو ذاك ينفي التحقيق العلمي. الله أكبر. Cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, hein, j'ai dit de manière explicite, à côté de chaque mas'ala, chaque point, son jugement sur le fait que c'est un rukn ou un wajib. C'est quoi un rukn? Hein? On a vu dans le cours Shurut Salah, c'est un pilier, naam. La différence entre rukn et shart, c'est... Ne faites pas peur, ne me dites pas que vous avez oublié. Hein? Naam, c'est qu'un shart, par exemple, une condition de la prière, elle est en dehors de la prière. D'accord ? Et qu'un rukn, il est dans la prière, il fait partie de la prière. Un exemple de charte qui fait partie de la prière en tant que telle, qu'on a défini comment, Mohamed ? Qu'on a défini comment ? Quelqu'un, n'importe qui ? C'était quoi la prière ? J'ai donné la définition à étudier par cœur la dernière fois. Même en français. Aqwalun, juste, des paroles. Ou af'alun, juste, et des actions. Marsousa. Marsousatun, si tu veux. Marsousa, particulière, spécifique. Eh ouais. Hein ? T'as-tu parlé du hadith ? Muftatihatun bit takbir wa mukhtatimatun bit taslim. C'est-à-dire quoi ? Qui, c'est des paroles et des actions précises, spécifiques, qui commencent par le takbir et qui se terminent par le taslim. Qui commence par le takbir, qui est quoi le fait de dire takbir al-ihram, Allahu Akbar, le premier takbir, et le fait de terminer par le taslim, la salutation. D'accord ? Pardon ? Al-wudu. Parce que le wudu, c'est clarification, tu m'as fait peur, tu vois. Al-wudu. Al-wudu avec hamza à la fin, al-wudu ou c'est les ablutions. Ça, c'est un exemple de condition, si tu as raison, d'accord ? Tu sais me citer un exemple de pilier ? N'importe lequel, on en a fait 14. Barakallahu fik al-Fatiha. D'accord ? Et ici, regardez, Cheikh, il dit quoi ? Il dit, je dis chaque fois, chaque mas'ala, et ça, c'est ce qu'il n'y a pas dans les autres livres, que ce soit dans le premier, dans un tome, dans le tome unique, ou bien les trois tomes. Il n'y a pas ça. Tandis qu'ici, dans le tout petit que vous avez en 32 pages, il dit si c'est un rukn ou un wajib. C'est-à-dire que c'est un pilier ou une obligation. On a vu les obligations, il y en avait combien dans la salah ? Hein? 14, c'est les piliers, barakallahu fik, zakallahu khairan. Les conditions, c'était 9. Ah, vous me faites peur, les frères, on a fait 12 cours sur le shurut salah. 12. Alors hein? Il va y avoir un grand blanc dans la cassette maintenant. Et ouais. Oui? Thamania. T'es sûr? Tu as dit 8. Ah, bon, je pense. وما سكت عن بيان حكمه فهو من السنن. Est-ce que je me suis tu, yani j'ai pas dit c'est un rukn wajib, ça fait partie des sunan. Je vous demande pas les sunan combien. Parce qu'il y en a. Cheikh il avait dit il y en a beaucoup, il les a pas toutes citées, il a renvoyé un livre, qui est le livre de au moins le titre. Dalil Talib, Mouri Youssef. Cheikh, il a dit, il y en a de nombreuses. Il a dit, revenez au livre de fiqh. Il a cité parmi eux, Dalil Talib, qui est un bon livre dans le fiqh. Et Cheikh, regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Il dit, وَبَعْضُهَا قَدْ يَحْتَمِلُ الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ. Et que certains points sur lesquels il n'a rien dit, ça peut être des sunnahs, mais qui peuvent laisser place à l'avis que c'est une obligation. وَالْجَزْمُ بِهَذَا أَوْ ذَاكَ يُنَافِي التَّحْقِقَ الْعِلْمِ. Le fait de dire que c'est une sunna ou c'est un wajib, de manière claire, établie, yunafi, il va à l'encontre de tahqiq al-ilmi, la précision de la science. C'est pour ça qu'il s'est tué, le cheikh. Regardez, cheikh. Regardez encore les réfutations par rapport aux accusations. D'accord ? Et ensuite, cheikh, il dit ici, j'avais pas prévu ça de dire ça aujourd'hui, mais c'est important qu'on le fasse aussi. Wa rukn, il le définit. Ma huwa ma yatimu bihi shay' alladhi huwa fihi. Wa yalzamu min adami wujudihi butlan ma huwa rukn fihi. Kal ruku'i matalan fi salah. Et puis il définit les chartes, il dit qu'un rukn, il a un charjin amma huwa shartun fih, qu'un wudu, mathalan fi salah. Fala tassihu bidunihi. Et puis il rapporte le wajib, wa mathabat al-amru bihi fil kitabi wa sunna, ou sunna. Wala dalila ala rukniyatihi, ou shartiyatihi, yuthabu fa'iluhu, ou yu'aqabu tarikuhu illa li'udr. On avait vu ça. D'accord? Wa mithluhu, al-fard y continue. Wa tafriqu bainahu wa bain al-wajib, istilah hadith la dalila alayhi. D'accord ? La différence entre le fard et le wajib, il dit qu'il n'y a pas de dalil de faire une différence là-dessus, et que c'est un stila hadith qui n'existait pas avant, d'accord ? En tout cas, où il n'y a pas de dalil. Et sunna, il dit « Ma wadhaba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam alayhi min al-ibadati da'iman, ou ghaliban, wa lam ya'mur bihi amra ijab, wa yuthabu fa'iluha, wa la yu'aqibu tarikuha, wa la yu'atab. On va voir ça, Inch'Allah, dans le cadre des cours. Mais vous voyez que quoi? Que c'est important que vous gardiez en tête juste le fait que ce petit résumé-là, il y a des choses, et notamment cette chose-là sur l'ahkam shara'iyya, qu'il n'y a pas dans les autres livres. D'accord? Et donc, ici, Shir dit ici, œuvre, je parle de celle-ci, le talkhis, le tout petit, dont chaque connaisseur en la matière appréciera la précision. Huitième point, que dans ce livre, le Shir ne s'est pas imposé un madhab précis. Ça, on a déjà dit. Il tourne avec le dalil, hein? Yadouru ma'ad dalil yu haythu dar. C'est une expression connue chez le Mashayir, ça. Hein? L'imam Ahmed, il avait dit, rahimahullah, nadouru ma'as sunati haythu darat. On tourne avec la sunna, là où elle tourne, là où il y a le dalil, on va avec. Donc, nos jugements, ils tournent avec le dalil. Hein? Et vous voyez que Sheikh Al-Bani, rahimahullah, dans son introduction, sur les quatre imams et leurs paroles, elle montre en fait qu'ils avaient tous le même madhab, en fait, en réalité. C'était quoi? C'est le fait de suivre le hadith, le fait de suivre le dalil. D'accord? Et donc il dit que dans ce livre, le shir ne s'est pas imposé un madhab précis, il tourne avec le dalil, la preuve, là où elle tourne. Ceci est une grande distinction, car par cela, il s'est préservé ce qu'on appelle le taqlid, hein, le fait d'imiter simplement, sans regarder. Hein, l'imitation aveugle, et de rester forgé à un madhab, ou figé plutôt sur un madhab. Neuvième point, que ce livre circule chez les savants et il se le passe de main en main. Sans aucun doute, c'est un point par lequel se distinguent ces livres-là, d'accord, hein? Et ils en sont admiratifs, d'accord. Et c'est pas pour rien que Cheikh Bazmour, il a pris la peine d'expliquer ce livre-là, hein. Dixième point, ce livre est considéré comme faisant partie des livres les plus importants dans ce sujet, la prière, hein, qui est le deuxième, ou bien qui est le pilier de l'islam le plus important après ce qu'on appelle les shahadatan, les deux attestations de foi. Et son sujet est les hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc par là, il se distingue, par son sujet. Vous comprenez ça ou pas? Par le fait qu'il parle la prière. Hein? D'accord? Les ulama disent, Sharaful ilmi bi sharafil ma'loum. Hein? La noblesse d'une science est par la noblesse de ce qui est connu par cette science. Hein? Regardez ici. C'est la noblesse de ce livre-là, c'est par la noblesse de son sujet. C'est-à-dire quoi? La prière. Quel deuxième? C'est important de garder ça en tête. Et pourquoi? Ça nous donne une faïda tout de suite, un fruit. C'est qu'on va faire attention à, Inch'Allah, à ce que dit le shir, on va faire attention au cours et se concentrer sur ce qui est dit. Parce que ça, ça se touche sur un point qui est d'une vitalité, hein, une grande importance pour nous, et c'est le deuxième pilier de l'islam. C'est pas n'importe quoi, yukhwa. Hein? Donc il faut bien se concentrer et bien cadrer l'importance de ces cours ici sur la salah. D'accord? Maintenant, Shir nous dit définition de la prière. On va terminer par ça, Inch'Allah. Maintenant, je rentre dans le livre de Shir Bazmoul, pour ceux qui l'ont. تعريف الصلاة الصلاة في اللغة هنا page 98 page 98 الدعاء الصلاة في الشرع جاءت في القرآن العظيم لفظة الصلاة بالمعاني التالية الصلاة بمعنى الدعاء je lis tout et d'après hein, tu l'as devant toi le livre, tu l'as, regarde page 98 si tu trouves, ou regarde à la fin تعريف الصلاة dans la table de matière directement, hein. والصلاة في الشرع جاءت في القرآن العظيم لفظة الصلاة بالمعاني التالية. Je lis comme on a fait toujours dans nos cours et après on traduit inshallah. الصلاة بمعنى الدعاء بالمغفرة. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. On avait déjà vu ce verset là dans Shurut Salah. Sourate Al-Ahzab verset 56. فالصلاة من الله المغفرة والرحمة. Hein? ومن الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين الثناء وطلب المغفرة والرحمة ومنها قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم إن صلاتك صلوات سكن لهم والله سميع عليم سورة براءة الصلاة بمعنى القراءة ومن ذلك قوله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا سورة الإسراء. الصلاة بمعنى الدين، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد سورة هود. الصلاة بمعنى موضع الصلاة، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز سورة الحج. الصلاة بمعنى الصلاة شرعية، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سورة البقرة. الصلاة بمعنى الصلاة الشرعية ليوم الجمعة، ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سورة الجمعة. إلى dernier sens du mot صلاة، الصلاة بمعنى صلاة الجنازة، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون سورة التوبة. والمقصود هنا تعريف الصلاة الشرعية، وهي أقوال وأفعال مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. On a une autre définition qui est proche de celle qu'on avait déjà vue. Inch'Allah, on verra cela aussi, c'est toujours bien d'avoir plusieurs définitions. Donc maintenant, on s'attache à traduire ça, et après on terminera là-dessus pour que ce ne soit pas trop long pour vous aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, la prière dans le sens linguistique. Parce qu'on a vu que dans les choses, il y a toujours deux sens. Le sens dans la linguistique, dans la langue arabe, et le sens dans la sharia, dans la législation islamique. Donc la prière dans son sens linguistique, c'est ad-du'a. C'est ad-du'a. L'invocation. Et je vous donne une référence, Mu'jam Maqais al-Lugha, tome 3, page 300. C'est un dictionnaire en arabe, si vous voulez. Et Al-Qamus al-Muhit, qui est déjà plus connu chez les frères. Al-Qamus al-Muhit, tome 1, page 355. La prière est venue dans le Coran avec les sens suivants. Hein? Et je vous rapporte 7 ici. Cheikh Bezmou nous en rapporte. Nous en rapporte 7. Premier sens avec le sens de dua, bil maghfira. Donc le sens de salah, c'est le sens de dua. Ça veut dire quoi? Invocation de pardon. À titre d'exemple, la traduction de la parole d'Allah, certes Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Référence sur l'Ahzab, verset 56. C'est sa traduction. La prière d'Allah, le shir dit, c'est le pardon et la miséricorde. La prière venant d'Allah, c'est quoi? C'est le maghfira, le pardon et la miséricorde, le rahma. Et des anges, le malaïka, l'istighfar. On a vu c'était quoi l'istighfar? C'est quoi l'istighfar? Demande de pardon, barakallahu fik. Talab ul maghfira. La demande de pardon et le salat des croyants, c'est l'éloge, le thana, hein, le fait de louer quelqu'un. Et la demande de pardon et de miséricorde. À titre d'exemple, la traduction au sens de la parole d'Allah prélève de leur bien. Une sadaqa, hein, par laquelle tu les purifies. Et c'est quoi la sadaqa ici, évidemment? C'est zaka. Elle est bénie et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux et Allah est audient et omniscient. Surat Bara'a, verset 103. C'est quoi Surat Bara'a? Tawba, na'am. Hein? Verset 103. C'est un des noms. Hein? Vous savez que les surates, elles ont souvent derniers plusieurs noms. Exemple, surat Nahl, elle a un autre nom. Qui la connaît? Surat al-Ni'am, le verset des bienfaits. Parce que c'est la surat, Allah Azza wa Jalla, c'est le plus de bienfaits qu'il nous a donné. Hein? Al-Nahl, na'am. Hein? Par exemple, sur surat al-Ankabut, l'ulama l'appelle surat al-Fitan. C'est la surat qui parle le plus au niveau de la fitna et de la fitan. D'accord? Hein? Fatiha, on en a déjà vu plusieurs, vous le savez, on a déjà vu plusieurs noms de Fatiha. D'accord? Umm al-Kitab, hein? Etc. D'accord? Verset 103, je vous ai dit, hein, surat Bara'a, Tawba, verset 103. La salah avec le sens de lecture, donc deuxième sens, la salah avec le sens de qira'a, lecture. À titre d'exemple, la traduction du sens de la parole d'Allah dit invoquer Allah ou invoquer le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Et dans ta salah, ne récite pas à voix haute et ne la baisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. Sourate Al-Isra, verset 110. Sourate Al-Isra, verset 110. Troisième sens du mot salah, la salah avec le sens de din, religion. Bima'na din. D'accord ? À titre d'exemple, la traduction au sens de la parole d'Allah, ils dirent « Ô Shu'aib, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ?» Écoutez bien, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres, de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons ? Est-ce toi l'indulgent, le droit ? Surat Hud, verset 87, donc c'est la traduction. Hein ? On a parlé ici de prière, d'accord ? Avec le sens de religion. Quatrième sens du mot « salah », c'est la salah avec le sens d'endroit, mawdi' as-salah, le sens de l'endroit où tu fais la salah, l'endroit de la salah. D'accord ? Exemple, traduction du sens de la parole d'Allah. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, des ermitages seraient démolis, ainsi que des églises, des synagogues, des mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion, Allah est assurément fort et puissant. Sourate Al-Hajj, verset 40. Sourate Al-Hajj, verset 40. Je regrette l'édition que tu as. C'est pas un reproche que je te fais. Cinquième sens du mot salah, la salah dans le sens de salah légiférée. Salat al-Shar'iyya. À titre d'exemple, la traduction du sens de la parole d'Allah, ceux qui croient à l'invisible et accomplissent comme il faut la salah. Hein? Ça en passant maintenant, ici le verset, wa yuqimu na salah. Hein? Vous voyez qu'Allah Azzawajal, chaque fois qu'il a parlé de salah, il nous a demandé de faire iqamat salah. Hein? C'est-à-dire quoi? Le sept qu'ils font la salah, qui accomplissent, qui quoi? Qui la font comme il faut, iqamat salah. Ce n'est pas simplement de prier. D'accord ? Et dépense dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Surat al-Baqarah, verset 3. Surat al-Baqarah, verset 3. Sixième sens du mot salah. La salah avec le sens de salah légiférée le jour du vendredi. D'accord ? Traduction du sens du verset. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salah du jour du vendredi, à la salah du jour du vendredi, à la prière du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Et c'est la traduction du sens de Surat al-Jumu'ah, verset 9. Surat al-Jumu'ah, verset 9. Septième sens, avec le sens de Salat al-Janaza. Hein? Dans le Coran toujours. Hein? Salat al-Janaza, c'est-à-dire la prière qu'on fait sur le mort, la prière mortuaire. Traduction de la parole d'Allah, et ne fait jamais la salah sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tient pas debout auprès de sa tombe, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et ils sont morts tout en étant pervers. Surat At-Tawbah, traduction en tout cas, verset 84. Hein? Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on continue dans le livre, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan. Hein? Pour ne pas faire trop long aujourd'hui, je pense que c'est suffisant. وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك j'ai serré dans les cours de pas trop rapporter d'histoire de Cheikh Al-Albani pour pas qu'on s'égare du cours, mais quand vous voyez les différents récits, différentes histoires qui lui sont arrivées, subhanallah, c'est ajib.